chaque fois, c'est la même sensation étrange. Un tremblement, un frémissement, une douceur sous les phalanges. Une impression d'être en vie, pleinement, follement. Je ne me sens jamais aussi bien que lorsque le micro est dans mes mains. Déclamant mes joies, avouant mes peines, je me dénude peu à peu à chaque vers de mes poèmes. Avant, je ne faisais qu'écrire. Aujourd'hui, je vis pour dire les petits touts du quotidien. Quand le micro est dans mes mains, seul sur scène, face à tous ces regards, je suis encore impressionné. Pourtant, je ne voudrais pas être autre part si l'occasion m'en était donnée. Quand le micro est dans mes mains, je témoigne, je me souviens. J'imagine, je réprime, je m'éloigne et je reviens. Je ne vois plus ma vie autrement, sans ces rendez-vous, ces instants. Je regarde celle que je deviens, quand le micro est dans mes mains. L'impression d'être en vie, pleinement, follement. Je regarde celle que je deviens quand le micro est dans mes mains. Je témoigne, je me souviens. J'imagine, je réprime. Je m'éloigne et je reviens. Je ne me sens jamais aussi bien que lorsque le micro est dans mes mains.